écrire, c'est... c'est magique. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai découvert que je faisais plus que de raconter une histoire. Tu vois, écrire, c'est une arme. Une arme plus puissante que n'importe quel coup de poing. Après la connaissance du résultat, de l'impact d'une balle dans le vide. Après une mère qui regarde les yeux de son fils dans le vide. Après un pointeur excité qui brise sauvagement une enfance. L'homme a su créer le mot souffrance. Des doses pour apaiser, aux pauses pour confesser. De la dépendance des substances possédées. Tendance impulsif, agressif, cherche son kiff au pif. L'homme a su créer le mot nocif. Perdu dans cet atodie. Tu sais ce qu'on dit? Ici c'est le scandale chez certaines familles. Il en existe encore aujourd'hui, perdu dans ses squats lugubres. L'homme a su créer le mot insalubre. Trompé par ces jolis mots qui représentent ce pays. Trahi par tant de promesses à aimer les gens qui noyissent. Quand j'entends voter pour moi, changer tout ça j'y songe. L'homme a su créer le mot mensonge. Ces jeunes qui cherchent la merde quand ils savent pas quoi faire. Alors que certains cherchent à fuir tous ces pays en guerre. Si t'es un bonhomme et si tu veux dire bonjour aux anges. L'homme a su créer le mot échange. Cicatrices psychologiques ou marques physiques. Du sang véreux, de la science médicale et leur pratique. Des petites Johnny frappées, traitées comme un porc misérable. L'homme a su créer le mot coupable. Contre les punitions infligées par des lits de sale gueule. Combien d'hypocrites d'un regard font comprendre ce qu'ils veulent. Les clones d'Hitler éparpillés dans tout le globe. L'homme a su créer le mot xénophobe. Depuis tous ces débats où on peut partager ses propos. Et que les gens ne savent plus éviter un quiproquo. Ça part dans tous les sens pour qu'en final résulte. L'homme a su créer le mot insulte. Y'a les parents qui baissent les bras devant leurs gosses. Seuls baissent les bras quand les choses se corsent. Quand c'est trop dur, on se débarrasse et demande pardon. L'homme a su créer le mot abandon. Laisser aller vers le fond, vers le ciel. Persuadé qu'ici on a plus de rôle essentiel. Paris pour le grand saut, aujourd'hui se décide. L'homme a su créer le mot suicide. Dingue d'elle. Fier du regard des autres, mais t'es dingue d'elle. Tu te sens chelou en même temps, tu te sens mortel. T'as beau être bad boy, mais t'as pris de court. L'homme a su créer le mot amour. Déçu par la vérité, tu tombes de haut. T'as tout donné, on s'est servi après, ciao. Les autres s'en foutent, style ils disent que t'as pas de veine. L'homme a su créer le mot haine. Là d'où partent les règlements de compte qui dégénèrent. Là d'où partent les génocides, d'où partent les guerres. Plus rien à foutre de rien, mais fais gaffe à demain. Car l'homme a su créer le mot fin. Bombardé par tous ces mots, y'en a plein d'ico. Cogite sur mon concept, c'est un truc qui donne chaud au mec. On sait que l'homme a su créer tous ces mots. Et moi j'ai su créer ce morceau. J'accuse ces mots.